cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Cinquième épisode. Bonjour Salomé. Excusez-moi, mais elle n'est pas là? Si, si. Entrez, Olivier. Elle est dans son bain. Entrez. Mon chéri? Ne viens pas, je suis toute nue. Je suis trop contente que tu aies pu te libérer. Jo est très heureuse que vous allez chercher Oumi à la danse. Vous voulez un café? Il n'est pas là. Chut, chut. Par pitié, mon Dieu. On ne doit plus prononcer son prénom. Bon ben, allez-y, Salomé, si vous voulez. Je me le fais tout seul, mon café. Je suis pas manchot. Mademoiselle, j'y vais. Monsieur Olivier sait comment ça marche la machine à café. À demain. À demain, Salomé. Ferme les yeux, je vais sortir. Oh non, passe un peignoir. J'ai pas envie de te voir à poil, moi. C'est bon. Ta petite bonderie est sans limite. Bah, avec toi. Je sais. Avec Émilie, ça doit être bien différent. Oh. Mmh. Mmh. Ah. Pas trop de café, hein, chérie. C'est pas bon pour toi. Tu es déjà trop nerveux. Je te presse un kiwi? Bah, ça se presse pas, les kiwis. Ah bon? Bah si, regarde. Tiens. C'est bon. C'est drôle. Il y a comme des petits bouts de... De banane. Ouais. Ah ben je sais. Je viens de me rendre compte que Salomé n'a pas nettoyé la machine. Bon. Je m'habille. Et hop, hein, on sort. Ben, tu viens avec moi chercher Oumi? Je vais jusqu'à l'angle du boulevard des Invalides et je file. Il est à Paris. Philippot? Oui. Mais... il est gay. Je sais. C'est pas une histoire facile. Oh, t'es con. Tu vas faire comme avec François. Tu vas encore y laisser des plumes. Dis donc. Tu trouves que j'ai grossi? Fais un tour sur toi-même. Voilà. Un peu. T'es dégueulasse. N'empêche que j'ai raison. Il est plus que temps que tu... C'est bon. Je sais. Je suis pas idiote. Hein. J'ai pris mes clés. Ah oui, j'ai pris mes clés. On y va. Mon oncle arrive ce soir. Super. C'est bon d'avoir sa famille près de soi. C'est celui du côté de ton père? Celui qui a adopté une petite asiatique? Non, du côté de ma mère. Et je voulais te demander un truc important à ce sujet. Tu es d'accord? Pour les papiers? Je comprends pas. Non, tu es d'accord pour remplir les papiers d'adoption avec moi? Pour te faire passer pour mon compagnon, c'est ça? Non, dis-moi que c'est ça. Non. Je fais ma vie avec Émilie, elle est... Gentille, je sais. Non, enfin oui, mais je l'aime et elle est enceinte. Je sais, c'est bon. Ça me dégoûte, hein, d'ailleurs. Tu aurais pu attendre un peu avant de te mettre à la colle avec elle. Tu aurais pu quand même... J'aurais pu quoi? Penser à moi! Oh, mais t'es comme ma sœur. Et alors? On serait sûrement pas les premiers à... Oh, laisse tomber. Je suis une petite vieille. Je me lève le matin, je m'enferme dans ma chambre pour pleurer en faisant croire que je travaille. Je fais une heure de course sur un tapis avant de déjeuner des trucs qui n'ont aucun goût. Je fais une sieste sans dormir, et puis j'attends que le soir arrive pour me coucher et pleurer à nouveau. C'est pas une vie. J'ai 47 ans, mais en fait, je suis bien plus âgé que ça. Oh, je respire plus. Tu peux faire quelque chose? En tout cas, je peux pas ouvrir la fenêtre, on est dehors. Oh, ça va aller. Arrête de te pousser toi-même au bord du gouffre que tu as creusé. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai creusé un gouffre si profond avec mes larmes et ma vie de solitude. Je me suis attrapé par le col. Je me suis traîné jusqu'au bord. Je veux mourir. Oh, écoute. S'il n'y avait pas Oumi, je me tuerais. Arrête, tu dis ça tout le temps, mais tu es là. Tu es là, non? En tout cas, moi, je suis là, je te tiens par la manche et je ne te laisserai pas tomber dans le trou. Mais tu peux pas. Mais je peux pas quoi? Me tenir par la main, je suis en robe. Oh, t'as acheté une robe chez Prada pour te tuer en beauté. C'est où ton rendez-vous avec Philippot? Au jardin de Babylone. Rue de Babylone, pas loin du Lutetia. Tu veux nous y rejoindre? Quoi? Il dort au Lutetia? Ça la fout mal pour un gauchiste. Tu voulais me demander quoi tout à l'heure? Rien, laisse tomber. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Cinquième épisode avec Guillaume de Tonquédec, Fanta Coïta, Johanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff.